scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1968, la suite, troisième émission. L'année 1968. Elle s'achève. Au tout début du mois de décembre, France Culture diffuse un débat enregistré au Palais de la Découverte, animé par Claude Dupont, et dont Pierre Lhermitte, auteur du livre « Le Paris informatique », est l'un des invités. Ah, les ordinateurs, énormes, mystérieux, inhumains et réservés aux grandes entreprises. Quoique... Grands ordinateurs, petits ordinateurs, la querelle est ouverte. Mais est-ce qu'on n'en arrivera pas un jour à avoir chez soi de petits ordinateurs qui remplaceraient alors SVP ou les renseignements téléphoniques ? C'est techniquement dès maintenant possible. Oui. Même pour de savoir quel va être le taux de diffusion, c'est une question de coût et de choix économique, parce qu'au niveau des particuliers, il faudra choisir entre ce type de confort dans l'information ou d'autres biens, en particulier les loisirs ou le logement. Si bien que la rapidité avec laquelle ceci sera installé dans nos civilisations peut donner lieu à discussion. Mais est-ce que le fait d'utiliser des ordinateurs à tout bout de champ, comme une machine à laver ou comme un frigidaire, n'aboutit pas à un univers mécanique complètement déshumanisé ? Bien, je crois que si nous savons bien utiliser ces techniques, si nous savons nous y préparer, nous devons au contraire enlever tout ce qu'il y a parfois de trop mécanique, de trop inhumain dans notre vie pour l'alléger et conserver du temps libre pour précisément la partie valable et humaine de nos activités. Et justement, parmi ces activités humaines, alors, monsieur Lhermitte, que faites-vous de l'école ? Est-ce que l'informatique peut s'appliquer aussi à l'enseignement ? Certes, il y a déjà aux États-Unis et même en France quelques expériences dans ce domaine avec ce que l'on appelle les machines à enseigner. Il y a d'ailleurs un pas préalable à franchir qui est l'utilisation de méthodes d'enseignement programmées. Car les machines demandent une très grande logique dans les méthodes d'enseignement, dont la voie est déblayée. Je ne dis pas que c'est la seule technique, on a d'autres approches, mais dont la voie est déblayée par les systèmes d'enseignement programmés. À partir de là, on peut en effet utiliser l'informatique, soit pour visualisation des réponses, soit pour une personnification du dialogue avec la mémoire qui représente tout ce qu'il y a dans le livre, y compris la solution aux exercices, soit même pour juger des résultats d'une classe ou d'un élève, en ayant pu enregistrer des résultats statistiques sur la façon dont les individus ont réagi. Ceci consiste à doter les élèves d'une classe de terminaux de visualisation et de leur permettre de se mettre en liaison avec l'ordinateur. Alors actuellement, il y a d'ailleurs un certain nombre d'études qui sont financées par la DGRST pour développer l'enseignement programmé et les machines à enseigner. On a déjà pu juger des transformations psychologiques que cela supposait, et chez les enseignants, et chez les élèves. Je crois qu'il est assez difficile de répondre. Ceux qui sont attachés à l'idée vous diront que les résultats ont été sensationnels, d'autres vous diront qu'il y a peut-être d'autres facteurs explicatifs, ne serait-ce d'abord que de sortir les enseignants de leur routine. Car il est certain que nous en sommes à peu près restés à la méthode d'Abélard, dans nos méthodes d'enseignement et que nos jeunes demandent de plus en plus des méthodes très différentes, ne serait-ce que des méthodes de dialogue. Monsieur, une autre question à propos de l'enseignement ? Polly André, je m'occupe de recherche pédagogique à l'École normale supérieure. Je voudrais revenir à l'enseignement car c'est, j'ai l'impression, une question assez importante. Vous savez comme moi que la rénovation de l'enseignement des mathématiques a pris un tel retard sur l'évolution des mathématiques que l'enseignement français en particulier est en ce moment en crise au niveau des mathématiques. J'ai grand peur, et vous m'avez confirmé dans cette opinion tout à l'heure en disant que les gens qui feront la charnière ont maintenant 25 ans, que si on ne s'occupe pas très vite des tout-petits, en informatique, on risque d'arriver à peu près aux mêmes difficultés. En particulier, j'ai commencé moi-même il y a quelque temps une expérience, appelons pas ça d'enseignement, mais plutôt de club d'activité autour d'un ordinateur avec des petits gamins de, ils ont 12-13 ans, il y a cela quelques temps, et ça marche, disons, très très fort, les résultats même dépassent ce que j'en attendais. Et c'est pourquoi je voulais vous demander si, parce que dans votre livre, Le Paris informatique, vous en parlez très très peu, j'aurais vous demandé si vous avez une opinion, disons, sur ce problème, et si vous envisagez, ou si on peut envisager faire quelque chose développer cela dans les 2 ou 3 années qui viennent? Je voudrais vous donner au moins 2 réponses. Je parlais tout à l'heure de la nécessité d'acquérir de nouveaux réflexes intellectuels et gestuels. C'est bien ça que je visais. C'est la possibilité de donner aux enfants, aussi jeunes que possible, l'occasion de manipuler des consoles d'ordinateur. Et alors ma deuxième réponse, c'est la suivante. On ne se rend pas compte combien les jeunes sont capables de s'intéresser à des techniques qui, pour nous, nous demandent un très gros effort. Nous, adultes de 40 ans, mais même vous, jeunes de 20 ou 25 ans, lorsque l'on n'a pas été habitué à 7 ou 8 ans, il faut vraiment se forcer pour avoir de nouveaux réflexes. Lorsque vous prenez un enfant de 7-8 ans et que véritablement vous lui donnez l'occasion de faire quelque chose de nouveau qui l'intéresse, qui le passionne, il s'y met extrêmement vite. La docilité, la malléabilité des esprits d'enfants est quelque chose de merveilleux. Et c'est cela qui est très dommage, c'est de ne pas pouvoir mieux sentir ce dont ils auront besoin plus tard pour les mieux préparer. Il faut faire un effort extrême de recherche dans ce sens-là, car on peut, à cet âge-là, vraiment leur donner, non pas des connaissances, mais des réflexes qui seront extrêmement utiles. Il n'y a qu'à voir la façon dont des enfants de 5-6 ans manient le téléphone actuellement. Alors à vous les jeunes, c'est peut-être normal, mais même déjà à moi, je me souviens qu'à 15 ans, 16 ans, on n'osait pas utiliser un téléphone et l'on était extrêmement maladroit. Ces réflexes s'acquièrent par la pratique et je crois comme vous que c'est en mettant le plus tôt possible des jeunes devant des consoles d'ordinateur qu'on leur donnera le sens de ces réalités et qu'on les passionnera pour la vie actuelle. Oui, docilité et malléabilité des enfants ne sont plus à démontrer. Oui, l'emploi des consoles d'ordinateur et du téléphone fixe, le 3 décembre 1968, lorsque fut diffusée cette émission, ne pose plus de problème, enfin, dans un certain sens. C'est bien beau, l'informatique. C'est, semble-t-il, l'avenir en 1968. Mais cela n'empêche pas France Culture de s'intéresser, à juste titre, à l'usage, au bon usage du français. Le linguiste Alain Guillermou répond aux auditeurs, aux auditrices, en l'occurrence. Dieu que l'on devait mal s'exprimer fin 1968. À la télévision, bien sûr, pas à la radio. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Le français universel, une émission d'Alain Guillermou, réalisée par Raoul Auclair, assistant Paul Bram. Usagers de la langue française, restons unis en parlant et en écrivant un même bon français. Le français universel. Allô, oui. Ici le SVP grammatical. Oui, je voudrais vous poser des questions au sujet des pronoms relatifs. Oui, volontiers. De quoi s'agit-il? Il y a des phrases que j'ai relevées qui m'ont choqué. Je voudrais savoir si j'ai raison ou pas. Oui. Par exemple, une température caniculaire que l'on peut s'attendre aujourd'hui. Alors, c'est une faute de français caractérisée. C'est caractéristique, hein, oui. Ah, absolument, oui. Bon, il a chanté une chanson qu'il a écrit les paroles. Oh l'horreur, mais c'est du charabia, madame. Écoutez. C'est un livre de Monsieur X, je me souviens plus du nom propre. Oui. Que nous allons consacrer cette émission ce matin. Alors, c'est au livre de Monsieur X que nous allons consacrer cette émission, ça c'est de l'excellent français. C'est la formule d'insistance, c'est qui, c'est que. Auquel nous allons consacrer. Ah non, alors c'est auquel qui serait une faute, madame, excusez-moi. Alors, je vais, si vous le voulez bien, récapituler la règle. C'est qui, c'est que sont des formules d'insistance qui encadrent le mot sur lequel on veut insister. Oui. C'est à toi que je m'adresse. Il ne faut pas dire c'est toi à qui je m'adresse. La formule traditionnelle c'est qui, c'est que. Autrefois, dans l'ancienne langue, au XVIIe siècle encore, on disait c'est toi à qui je m'adresse. Mais de nos jours, les grammairiens sont tous d'accord pour décider que la formule c'est qui, c'est que est invariable et qu'elle encadre le mot sur lequel on veut insister. La chanson que vous connaissez bien, c'est à l'amour auquel je pense, eh bien c'est un titre peut-être sensationnel, mais c'est une faute de français, il faut dire, c'est à l'amour que je pense. Alors là, nous sommes d'accord, si vous voulez bien, sur le pardon complet donné à la troisième de vos phrases. Mais j'aimerais revenir sur les deux précédentes, parce qu'elles sont intéressantes. Je vous écoute. La seconde, c'était ? La seconde, c'était « Il a chanté une chanson qu'il a écrit les paroles ». Alors, c'était « Il a chanté une chanson dont il a écrit les paroles ». Évidemment, comme c'est la femme qu'il s'agit, alors le « qu'il s'agit ». Absolument, vous avez le droit de dire, et vous devez dire, c'est de cette femme-là qu'il s'agit. Oui, mais je veux dire que On doit dire c'est la femme dont il s'agit. Alors, c'est la femme dont il s'agit, c'est de cette femme-là qu'il s'agit, je veux bien, oui. C'est ça. Alors là, vous avez qu'à remarquer, on dit toujours qu'il s'agit, ça, personne ne met le pronom relatif dont, ça n'existe plus. Mais oui, mais là, madame, vous avez raison. Ça, distinguons bien les deux tours, attention, n'est-ce pas? Cette femme, Isabelle, Geneviève, c'est vraiment la femme dont je parle, c'est la femme dont il s'agit, n'est-ce pas? Distinguons très nettement cette construction-là d'une autre construction, c'est de cette femme-là que je parle. Ah ben oui, là, très bien, oui. Nous sommes d'accord. Mais si l'on dit en français « c'est la femme qu'il s'agit », on parle une très très mauvaise langue et il faut contrebattre énergiquement cette faute de français. C'est très courant, à longueur de journée. Eh madame, hélas, hélas. Et puis, les femmes et le travail. Qu'en dit-on fin 1968? Apparemment, les hommes interrogés n'ont pas assisté aux premières réunions de ce qui deviendra plus tard le MLF. Les épouses non plus, cela dit. La femme et le monde moderne. Une suite d'émissions composées par Harold Portnoy. Aujourd'hui, 19e émission, La femme et le travail. Première partie, des principes et des rôles. Avec la participation de Michèle Huguet, assistante de psychologie à l'Université de Besançon, Evelyne Sulereau, sociologue, ainsi que des témoignages. Assistant Jacques Devin. Dans un remarquable ouvrage paru aux éditions Hachette et intitulé « La promotion des femmes », Pierrette Sartin note ceci. Le travail féminin est l'un des grands problèmes d'aujourd'hui et sera sans doute encore le grand problème de demain. Au vrai, il s'agit moins d'un problème que d'une foule de problèmes, parmi lesquels les uns sont d'une actualité évidente et parfois tragique, tandis que les autres ne sont plus que les ombres d'un monde révolu projeté sur les murs de la caverne. Mais, par un paradoxe qu'il faut bien souligner, alors que les vrais problèmes posés par le travail féminin se heurtent très souvent à une dangereuse indifférence, à tous les échelons de la nation et de la part même des intéressés, les faux problèmes, eux, soulèvent passions et polémiques. À l'ère de la science et de la raison, les mythes ont encore la vie dure. Fin de citation. Effectivement, les images traditionnelles, les principes figés et les rôles stéréotypés ont la vie dure. Parmi eux, le mythe de la supériorité masculine est sans doute le plus enraciné, le plus tenace. Je pense que le malaise le plus profond qui réside actuellement dans les couples, et j'en ai fait moi-même l'expérience, c'est l'égalité qu'il tente à y avoir actuellement entre l'homme et la femme à l'intérieur d'un couple. Il ne faut pas penser obligatoirement que la femme doit être au foyer et l'homme au travail, mais la femme au foyer est-elle l'élément fixe? Et l'homme, en allant à l'extérieur, est-elle l'élément fort? Or, la femme au foyer est-elle l'élément catalyseur qui permettait à ce foyer de recevoir et de digérer tout ce que le mari, l'élément fort, apportait de l'extérieur. Or, maintenant, la femme a sa propre expérience. Sort, travaille, mêle de plus en plus les enfants, soit en nourrice, soit en crèche, soit à l'école très tôt, et ce qui fait qu'elle a sa propre expérience qu'elle essaie de faire partager et qui vient parfois en contradiction avec l'expérience de son mari. Ce qui fait que la femme, au lieu d'apporter un élément catalyseur, un élément qui permet de digérer les informations de l'extérieur pour le foyer et pour l'unité du foyer, cela fait qu'elle a des éléments de contradiction par rapport à ceux de son mari. Donc il y a, au départ, au lieu qu'il y ait une union, une contradiction. Le temps que la femme consacre à l'extérieur, à son travail, les influences qu'elle reçoit de son travail ne sont pas les mêmes que celles que reçoit ou que ressent son mari. Leurs milieux sont, les trois quarts du temps, pour ne pas dire tout le temps, très différents. Prenez le cas d'une femme qui travaille. Obligatoirement. Le fait de travailler dans des endroits différents, tout simplement. C'est ça. Bon, sont très différents. À partir de ce moment-là, ils réagissent de manière différente, suivant les faits qui leur sont proposés. Et ils ne peuvent avoir de dialogue, dans ces cas-là, étant donné qu'ils n'ont pas déjà une unité de vue. Il y a union de personnes, mais il n'y a pas unité de vue. Alors que dans le cas d'une femme qui ne travaille pas, le milieu dans lequel elle vit, qui est son foyer, qui est ses enfants et qui est aussi son mari, est le même pour elle. Ce milieu est le même pour elle et pour son mari. Donc il y a déjà une unité de champ, si vous voulez, de vue. Bon, je ne dis pas que la femme doit être illettrée, mais la femme a d'autres moyens d'information que son travail. Mon cas particulier est le suivant. Quand ma femme travaillait, nous arrivions le soir à la maison ensemble, puisque je l'attendais. Il était 7h30. On commençait à préparer l'heure pour 10 heures qui était bâclée rapidement avec les moyens techniques, c'est-à-dire d'ouvrir une boîte de conserve ou acheter un beefsteak. Et à longueur d'année, ça devient lassant parce que il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de chaleur. On est tout le temps surchauffé, on est énervé. La femme travaillant a ses problèmes professionnels, l'homme les siens. Et à partir du moment où on arrive au cours du repas à aborder des problèmes qui n'ont rien à voir avec la vie de famille, influence néfaste. Donc vous pensez qu'il est préférable que la femme reste à la maison? Dans la mesure où c'est possible, financièrement. Comment vous voyez le rôle de la femme, alors, dans son foyer? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Le rôle de la femme, moi j'attends d'abord un rôle de catalyseur, de régulateur. Sur quel plan? Sur le plan émotionnel d'abord et matériel ensuite. C'est-à-dire? Émotionnel en ce sens que, à la maison, une femme restant au foyer toute la journée trouve malgré tout, à la longue, une occupation, des occupations, un train de vie qu'elle arrive à adapter suivant son tempérament. Mais... l'avantage pour l'homme, c'est que quand je rentre à la maison, dans le cas particulier où il y a des enfants, le problème déjà est déjà résolu sur le plan matériel. Les enfants ont mangé, sont lavés, sont douchés, sont couchés ou autres. Les devoirs sont faits. Et le mari qui rentre à la maison avec une activité qui de nos jours est assez énervante devrait arriver à pouvoir se relaxer, à laisser à la femme tout le côté crispant de la vie quotidienne, des achats, de l'éducation des enfants, sans évidemment le mettre de côté complètement, parce que des fois il faut quand même y contribuer, mais disons une grosse partie. Et moi personnellement, disons quand je rentre à la maison et que la journée n'a pas été fertile en événements au foyer, j'arrive à trouver 2-3 heures de détente à discuter. Moi j'aime bien discuter de mes problèmes professionnels. Ça l'intéresse dans mon cas particulier parce que à l'époque où elle travaillait, elle était un petit peu, disons, dans la même branche. Et j'aime bien me défouler un peu, lui raconter mes histoires. Bon. Mis à part ce problème, disons, professionnel et extra-méros, à la maison, ben, on arrive à causer quand même du problème des enfants, des différents problèmes généraux, politiques, religion, littéraires et autres, sans avoir à les entrecouper de petits événements comme la vaisselle, le ménage ou les choses de ce genre. Au début de cet entretien, vous avez situé l'action du mari comme étant une action forte. Vous avez dit, le mari, c'est l'élément fort. Bon. Oui, mais j'ai dit aussi que la femme était l'élément fixe. Or, je parle de mon propre raisonnement, qui est qu'à partir du moment où la femme est l'élément fixe, l'homme est obligatoirement l'élément fort. Puisque c'est lui qui va à l'extérieur chercher ce qui est nécessaire, aussi bien matériellement que spirituellement, à son foyer. À partir du moment où la femme n'est plus un élément fixe, mais un élément instable, c'est terminé. Nous ne tenterons pas d'analyser ici ce que le mythe de la supériorité masculine peut exprimer de peur pour celui qui l'éprouve. Peur du dialogue, peur de se trouver en face d'une autre personne, c'est-à-dire en face d'un sujet libre et non d'un objet, objet entre guillemets, qui subit. Mais il faut souligner par ailleurs que les rôles traditionnels, lorsqu'ils ne masquent pas d'évidentes difficultés personnelles, sont loin d'être vides de sens. Mon mari part toute la journée à son travail, en plus il voyage beaucoup. Bon, bah, après-demain soir, il va rentrer à minuit de Hollande. Bien, il va être fatigué de son travail parce que c'est très prenant. Il a un métier très actif avec beaucoup de choses à débattre. Moi, j'ai quand même plus de temps devant moi, d'abord, parce que j'ai organisé ma vie de telle manière que le matin, j'essaye le plus possible de me réserver mes matinées. Donc, j'ai plus de temps. Je pourrais très bien ne rien faire, mais je vois pas l'utilité de ne rien faire. C'est creux, c'est vide, il faut faire quelque chose. Alors, il a donc, lui, ses gros soucis, je ne vois pas pourquoi je viendrais en ajouter. Évidemment, l'aspirateur est en panne, il est le premier, je ne sais pas le réparer, il arrive, veux-tu me réparer mon aspirateur, il va le faire. Alors, il a quand même son travail, c'est tout de même important, il a besoin d'être libéré un petit peu des ennuis familiaux. Ça n'a pas empêché mon mari, quand ma première fille était toute petite, de lui donner son biberon pendant un mois. Il aimait ça. Mais si vous voulez, ça le passionnait momentanément, mais une fois qu'il a eu repris son travail, nous étions à ce moment-là en vacances, bon, il l'a fait, c'était un plaisir pour lui, il le faisait, je crois, par plaisir, mais ça n'était pas, à mon avis, son rôle. Comment vous expliquez, alors, ce rôle, d'une façon générale, là, alors, hein, que la femme ait un rôle qui soit différent de l'homme? Enfin, je veux dire, bien sûr, on peut l'exposer biologiquement. Ça remonte à la naissance du monde, ça, la femme, c'est elle qui fait les enfants. Oui, c'est ça. Déjà, il y a le sentiment maternel, c'est elle qui l'a porté pendant 9 mois, qui l'a mis au monde. Alors, il y a le sentiment maternel au départ. Évidemment, le fait que la femme, à l'heure actuelle, a pris beaucoup plus d'indépendance, qu'elle, maintenant, elle a envie de travailler comme les hommes, elle veut se libérer de toutes ces choses-là, mais ça ne se fera jamais complètement, c'est impensable. Une femme ne remplacera pas un homme ne remplacera pas une femme. C'est pas possible. Elle est née pour un certain travail, elle est née pour faire des enfants, pour les élever, pour s'occuper de sa maison, etc. Ou alors elle perdra toute féminité à la longue. Si elle veut complètement remplacer l'homme, elle perdra toute féminité. J'ai une amie autour de moi que j'ai bien connue, qui a voulu absolument avoir cette fameuse indépendance, a d'abord fini par un divorce, parce qu'elle avait elle aussi, elle est très intelligente, elle est ingénieure chimiste, elle vit dans un milieu où elle est très prise. Eh bien, le mari ne la voyait plus le soir, c'est aussi bien lui qui gardait l'enfant, qui la faisait dîner, il la couchait, etc., parce que madame avait des conférences. Ben non, ça ne va pas. Moi, je suis anti, absolument anti-travail complet pour une femme. Enfin, disons, si, quand c'est bien équilibré, je trouve que le rôle de la femme qui arrive peut-être le mieux à s'occuper des enfants, c'est ou l'institutrice ou le professeur, qui arrive à se consacrer à ses enfants pendant les vacances, qui quitte quand même le soir son travail relativement tôt, enfin qui peut avoir ses enfants le soir avec elle. Mais la personne qui est vraiment dans l'industrie, qui veut mener sa vie de femme comme un homme, il y aura quelque chose qui pêchera au bout d'un certain temps. L'homme ne naît pas dans la nature, mais dans la culture, affirme Émile Benveniste dans son traité de linguistique générale. Personne n'y échappe. Et l'analyse des images et des mythes traditionnels relatifs au travail de la femme exprime beaucoup plus que des prises de position individuelles, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Michel Huguet. Quand la femme a des enfants, on conçoit beaucoup moins qu'elle travaille. Et qu'on pense à ce moment-là qu'il est naturel qu'elle reste à la maison et qu'elle élève ses enfants. Ce qu'on doit dire, c'est que jamais à ce niveau, et c'est un trait culturel qui a son importance, même s'il est justifié dans les faits, dans l'affectivité, dans tout ce qu'on voudra, il n'empêche que c'est un trait culturel, c'est-à-dire que jamais on ne se pose la question de dire, par exemple, ce qui pourrait après tout être une solution comme une autre, que ce serait aux hommes de rester à la maison. Ça ne passe jamais. Donc ça, c'est un premier point. En ce qui concerne ce travail féminin, un autre point, c'est de voir, par exemple, quand on demande aux gens d'analyser les types de métiers qu'ils réservent à la femme. Eh bien, à cet égard, il y a les métiers féminins et les métiers masculins. On refuse à la femme d'avoir un rôle de direction dans un métier quel qu'il soit. On lui refuse d'avoir le sens de la mécanique. On lui refuse la possibilité de diriger une entreprise. Et finalement, quand on examine quel est le dénominateur commun qui organise la vision de la femme au travail professionnel, eh bien on se rend compte qu'il s'est simplement produit un passage entre le rôle qu'on lui voyait jouer à l'intérieur de la famille et que ce rôle s'est simplement déplacé vers la société. Et j'en ai pour preuve les situations qui sont donner le fait qu'elle doit être assistante sociale, le fait qu'elle doit être infirmière, le fait qu'elle doit être secrétaire, qui sont au fond des situations où elle n'a pas de rôle de direction et où elle a un rôle, je dirais, humain, entre guillemets, à jouer. C'est-à-dire, au fond, où ses qualités traditionnelles de dévouement, de soumission et de tendresse et d'aide passent dans la société. Et d'ailleurs, on nous a dit très souvent, enfin, on a entendu des phrases de ce genre, que oui, il fallait que les femmes travaillent dans la mesure où elles avaient un rôle qui était celui d'humaniser la société. Avec cette idée que la société telle que les hommes la font est une société dure, anonyme, technique, et que les femmes sont là pour, disons, rendre tout ça plus agréable, plus doux. Ce qui est donc finalement le passage strict de l'image traditionnelle qui était autrefois appliquée au domaine de la famille à celui de la société. Lorsqu'une femme, du reste, ne répond pas à ce type, à ce genre de travail, par exemple, eh bien on la cite comme un cas. Oui, non seulement on la cite comme un cas, mais ça c'est surtout les tenants de la position, disons, traditionnelle. Parce qu'il ne faut quand même pas penser que tous les gens voient les choses de cette façon. Mais pour les tenants de la position traditionnelle, et qui constatent que, en fait, la femme est dans des situations où elle n'était pas autrefois, et qui donc sont obligés de tenir compte du fait qu'elle est là, eh bien à ce moment-là, ou bien ils disent « elle n'est plus femme », ou bien ils disent « c'est très très mauvais pour elle, elle devient dure, elle devient masculine, elle s'écarte de sa destinée ». Alors selon les manières de réagir des gens, ou bien elle va sombrer dans la plus grande neurasthénie, ou bien elle n'aura pas de vie personnelle, ou bien elle se détourne de sa nature. Et alors à ce niveau-là, il faut, dans l'étude de l'image de la femme, c'est un fait qui nous a tout à fait attiré, c'est cette idée, cette référence constante à la nature féminine. Cette nature féminine ayant d'ailleurs un caractère d'imprécision très grand. Dans la mesure où, lorsque les gens s'en réfèrent à la nature féminine, ils ne la définissent pas. Ils se réfèrent à la nature féminine comme on se réfère à quelque chose qui est donné, qui est comme allant de soi. Absolument. Et quand on essaie à ce moment-là de faire préciser les choses, eh bien on retrouve un certain nombre d'images très stéréotypées concernant la femme traditionnelle. Cette nature féminine, c'est sa faiblesse physique, qui se double d'ailleurs d'une forme de faiblesse mentale, puisqu'on dit qu'elle n'a pas la possibilité de synthèse, qu'elle est moins douée du point de vue intellectuel, qu'elle ne peut pas être aussi bonne dans les travaux où il faut réfléchir, et par contre elle est meilleure dans les travaux automatiques parce qu'elle a une agilité du point de vue moteur, elle a un soin qu'elle apporte à son travail, etc. Et même si on démontre à ce moment-là que du point de vue, par exemple, psychométrique, un certain nombre de tests ont été faits et où on a relativement montré que il y avait là-dessous beaucoup d'idées erronées et que, par exemple, il n'y avait absolument pas de différence dans certains types de tâches entre les hommes et les femmes et que, de ce point de vue-là, donc, les choses n'étaient pas vraies. Eh bien, malgré cela, cette image traditionnelle persiste. Extrait de l'émission d'Harold Portnoy, « La femme et le monde moderne ». Que se passe-t-il le 19 décembre 1968 ? La routine. Nos actualités vous sont présentées par René Marchand. Le lycée Chaptal sera ouvert demain matin. Monsieur Edgar Faure vient de prendre la décision. Le conseil d'administration du lycée l'avait demandé cet après-midi. Il s'était peut-être référé à ce qui s'est passé à Nanterre, où les mesures d'apaisement ont eu, semble-t-il, de bons résultats. Comme prévu, les policiers ont quitté Nanterre ce matin. Aujourd'hui, la journée a été calme, d'un calme dont on avait quelque peu perdu l'habitude dans la faculté rouge et noir. La politique, Monsieur Pinet, a été reçue par le général de Gaulle, 35 minutes d'entretien dont on a beaucoup parlé, jusqu'à ce que Monsieur Pinet déclare « Il n'a été question que de mon voyage aux États-Unis ». Le Sénat, vous le savez, a voté un texte portant sur sa propre réforme, mais un texte élaboré par un des siens. L'étranger, les Soviétiques et les Israéliens se sont rencontrés pour parler du Moyen-Orient. Cela se passait à l'ONU il y a déjà quelque temps. On l'apprend seulement aujourd'hui. Allemagne, encore un suicide suspect. L'actualité, c'est dès maintenant ce qui se passe à Cap Kennedy, où les trois cosmonautes se préparent à passer Noël autour de la Lune. Nous y reviendrons. Donc, je vous le disais, le lycée Chaptal va rouvrir ses portes dès demain matin. Monsieur Edgar Faure vient de prendre la décision. Une résolution dans ce sens a été adoptée par 21 voix contre 16 cet après-midi par le conseil d'administration. Et dans la journée, monsieur Edgar Faure avait reçu une délégation du mouvement de rénovation lycéenne, le MRL. Le MRL avait demandé aussi au ministre de rouvrir le lycée Chaptal. Pour le MRL, la fermeture du lycée Chaptal est propre à relancer les actions politiques dans les lycées. Le conseil d'administration du lycée, vraisemblablement, avait présenté au ministre des arguments à ses voisins. Et il pouvait se référer à ce qui se passe à Nanterre. Là, c'est le calme sur toute la ligne, après le retrait du campus des forces de police. C'est le calme, mais il faut bien le dire, pour les contestataires, la lutte continue. François Dussorbier. Protestation du SNESUP contre le ministère de l'Éducation nationale relativement aux mesures prises à Nanterre. Le SNESUP estime inadmissible la menace de refuser les diplômes pour manque d'assiduité au cours. Le SNESUP se déclare solidaire des comités d'action lycéens dans leur lutte contre la répression. Pour le SNESUP, M. Edgar Faure propose une sélection sur critères politiques digne, disent-ils, d'un régime franquiste. Et puis le congrès de l'UNEF est retardé de 24 heures. Oui, l'UNEF indique que ce retard est dû à des difficultés de dernière heure, la disposition d'un local à la faculté des sciences de Lumigny. Le congrès s'ouvrira donc le 21 à 10h30 par une allocution de M. Jacques Sauvageau. Toujours à propos des questions scolaires et universitaires, vous savez qu'il est question de modifier le régime de la semaine scolaire. Le mercredi remplacerait le jeudi dans les écoles primaires, par exemple. Une mise au point du ministère de l'Éducation nationale. Aucune date n'est et ne peut encore être donnée pour une modification du régime de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et primaires. En effet, pour avoir force réglementaire, une telle modification doit être d'abord soumise au Conseil de l'enseignement général et technique et puis au Conseil supérieur de l'Éducation nationale. Plusieurs personnes ont été interpellées par la police judiciaire et plusieurs perquisitions ont été effectuées ce matin en divers endroits de Paris. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête ordonnée par le parquet de la Cour de sûreté de l'État. Motif, reconstitution d'une ligue dissoute. Une douzaine de personnes sont gardées à vue, quai des Orfèvres, où se poursuivent les auditions. La contestation se manifeste aussi dans l'Église. Un peu partout, à travers le monde catholique et à tous les degrés de la hiérarchie, on s'interroge, on écrit et on entreprend des études. Demain soir, Inter sans frontières, de 20h20 à 22h, vous proposera donc ce sujet de réflexion. L'Église face à l'Église. En appelant Bagatelle 2040, vous pourrez interroger Mgr Pichon, directeur du secrétariat national de l'opinion publique. Des prêtres ont signé récemment une lettre, vous le savez, dans laquelle ils s'interrogent sur leur rôle dans la société. Et dès ce soir, Mgr Pichon nous dit ce qui lui paraît le plus marquant dans cette lettre qui compte maintenant près de 400 signatures. La première, c'est ce qu'on appelle le statut du prêtre, c'est-à-dire comment situer le prêtre dans l'Église et surtout dans le monde d'aujourd'hui. Il y a une deuxième question qui est la question du célibat ecclésiastique et une troisième question qui est un peu liée à la première au statut, c'est la question des différents engagements du prêtre dans la cité. Voyez-vous, engagement dans des syndicats, dans des communautés sociales, je ne sais pas, aux mairies, etc. Et puis l'engagement politique. Ou même au Palais Bourbon. Ou au Palais Bourbon, d'ailleurs. Il y a eu le chanoine Kir au Palais Bourbon, c'est pas une nouveauté. Il y a eu l'abbé Laudrin. Il y a l'abbé Laudrin actuellement. C'est donc une possibilité. À l'Académie française, cet après-midi, la contestation était aussi un sujet de réflexion. Il y avait en effet séance publique à l'Académie, une séance à laquelle a assisté Sophie Dumoulin. Et la contestation a inspiré une réflexion à Pierre-Henri Simon qui devait prononcer l'éloge de la vertu. J'ai voulu donner une actualité à mon discours. On parle beaucoup de contestation et je me suis demandé dans quelle mesure et dans quel sens la contestation était une vertu. Et dans quelle mesure et dans quel sens elle pouvait échapper à la vertu. Et alors j'ai dit, je me résume naturellement, qu'il n'y a aucun progrès possible, ni dans les sciences, ni dans les arts, ni dans la conscience morale, sans contestation, c'est-à-dire sans réaction de l'esprit critique. Antigone, c'est le type de la contestataire, n'est-ce pas ? Le Conseil national du Centre national des indépendants, le CNI, s'est réuni aujourd'hui à Paris. Et l'importance de cette réunion a été soudain rehaussée du fait que le général de Gaulle a reçu le président Antoine Pinay à l'Élysée et cet entretien a duré 35 minutes. Déclaration du président Pinay après sa conversation avec le général de Gaulle. Mon entrevue avec le président de la République a porté uniquement sur mon voyage aux États-Unis. Il n'a pas été question de politique intérieure. Ce qui, pour le moment au moins, a coupé court aux commentaires et aux hypothèses. Autre réunion à signaler pour aujourd'hui, celle du comité directeur du Centre démocrate. À l'issue de la réunion, M. Jean Le Canuet a fait une déclaration pessimiste concernant la situation économique du pays. Il pense que l'heure de la relève a sonné. Il a défini ce que pourrait être la coloration politique de la nouvelle équipe. Je crois que tous ceux qui se sentent démocrates, européens et attachés au progrès social doivent se rassembler et que les frontières doivent être claires. Sur leur gauche, les communistes, les marxistes et ceux qui associent, s'y associent, et sur la droite, ceux qui se réclament, hélas, ils existent, d'un régime autoritaire nationaliste. Nous constatons que l'union de la gauche est pratiquement inexistante, que la fédération n'existe plus, et par conséquent, nous croyons que c'est au centre de la vie politique le rassemblement de tous les démocrates de progrès qui peut constituer l'équipe de relève dont la France a plus que jamais besoin. Le parti socialiste SFIO va ouvrir, lui, demain un débat décisif. Il se réunit à Puteaux en congrès extraordinaire pour décider de la création d'un nouveau parti socialiste. Le principe de la formation d'un nouveau parti avait été accepté lors du Conseil national SFIO des 2 et 3 novembre dernier. Trois tendances vont se manifester donc demain. Les deux premières, que l'on pourrait appeler molettistes et deféristes, favorables au nouveau parti, la troisième tendance y étant catégoriquement opposée. Entre les tendances de M. Guy Mollet d'une part et M. Defer d'autre part, il existe surtout une différence de style. La tendance Guy Mollet est en fait celle de la majorité du comité directeur. C'est une affaire à suivre. Décidément, c'est l'heure des réformes en France. On confirme aujourd'hui la réforme du courrier en janvier prochain. À partir de la nouvelle année, vous pourrez choisir entre deux tarifs différents selon que vous serez pressé ou non. En Allemagne fédérale, un nouveau suicide lié peut-être aux affaires d'espionnage. Une femme trouvée morte dans sa voiture. De Bonne, Paul Mauguin nous donne des détails sur cette affaire. La rocambolesque affaire d'espionnage qui éclatait en Allemagne voici trois mois rebondit. On lui a prêté, rappelons-le, une dizaine de suicides, dont plusieurs spectaculaires avec contre-amiral, général, haut fonctionnaire de la défense et des affaires étrangères. Lundi dernier, une jeune femme, aux papiers d'identité parfaitement contrefaits et venant apparemment de Berlin-Est, disparaissait à Berlin-Ouest dans un accident de la circulation. Aujourd'hui, c'est un jeune Allemand, Lothar Honley, que l'on trouve asphyxié dans sa voiture en Italie. Il disposait de documents intéressant une base de l'OTAN en Calabre, la base de Nardello. Divisé, son territoire connaissant deux armées du cru, sept armées étrangères, cela au carrefour des deux mondes en Europe, avec de surcroît Berlin qui est en la matière une sorte de creuset, l'Allemagne, rappelons-le, est le terrain rêvé des agents de renseignement. Ce qui, cela va de soi, ne fait pas l'affaire du gouvernement fédéral, du gouvernement Kissinger, ni de l'OTAN, dont elle est en Europe un partenaire particulièrement puissant, mais vulnérable et nécessairement préoccupant en conséquence sur le plan qui nous intéresse ce soir. À Cap Kennedy, les techniciens de la NASA gardent leur sang-froid, des gestes précis, prévus, sûrs, mais tout de même la tension monte, on approche de leur hache. Les préparatifs du premier vol humain vers la Lune vont très vite, d'autant plus qu'aucun problème ne surgit. Les haut-parleurs égrènent inexorablement le compte à rebours. Si aucun pépin ne vient l'interrompre, Borman, Lovell et Anders prendront le départ à bord d'Apollo 8 samedi à 14h51, heure française. Pendant que les techniciens s'affairent sur l'aire de lancement, le pad 39, les trois cosmonautes répètent les phases les plus cruciales de leur vol dans des simulateurs installés au sol. Le véhicule de l'expérience, c'est une fusée énorme, Saturne 5. Jean-Claude Héberlé, qui est sur place, l'a vu. La fusée Saturne 5 va être utilisée pour la troisième fois, mais c'est la première fois qu'on se décide à lui confier une cabine habitée. Cette fusée Saturne 5, c'est la plus puissante de toutes les fusées jamais construites par l'homme. Quand on l'a utilisée pour la première fois au lancement d'Apollo 4 en novembre 67, l'onde de choc de son départ à Cap Kennedy a été enregistrée par les sismographes de New York à plus de 2000 km. Elle développe une poussée de 3500 tonnes environ par son seul premier étage. 3500 tonnes de poussée, c'est à peu près l'équivalent de 180 millions de chevaux vapeur. C'est en tout cas la force nécessaire pour arracher au sol les quelques 3000 tonnes de poids que représente l'ensemble de la fusée avec la cabine et tous les accessoires. Cette Saturn V, dressée sur sa plateforme de lancement, est aussi haute qu'un immeuble de 36 étages, 110 mètres de haut, 2,5 fois l'Arc de Triomphe. Le premier étage consommera 15 tonnes de carburant à la seconde. Au total, environ 2200 tonnes, car il fonctionnera seulement 2 minutes et demie. Au bout de ces 2 minutes et demie, l'engin sera déjà à 61 km d'altitude et à une vitesse de 9600 km. Après séparation, le deuxième étage prendra la relève. Ce deuxième étage fonctionnera seulement 6 minutes 30 et l'engin se trouvera alors à 189 km d'altitude à une vitesse de 22 000 km/h. Nouvelle séparation et c'est le troisième étage qui aura la charge de placer l'engin sur une orbite terrestre, une orbite de parking, en attendant la trajectoire lunaire. Cette orbite est située à 190 km d'altitude et l'engin s'y placera à une vitesse de 28 000 km/h. Et c'est ce même troisième étage qui, après les vérifications d'usage effectuées sur l'orbite de parking, donnera à l'engin la poussée nécessaire pour s'arracher à la fraction terrestre et filer à la deuxième vitesse cosmique, c'est-à-dire à 40 000 km/h vers la Lune. Après quoi, le troisième étage ayant lui aussi été largué, la cabine Apollo et les trois astronautes, Borman, Lovell et Anders, disposeront seulement des fusées de leur compartiment de service pour modifier éventuellement leur trajectoire, pour s'inscrire sur l'orbite lunaire, pour quitter cette orbite lunaire, pour s'arracher à l'attraction lunaire et pour revenir sur la Terre. Le voyage aller durera 63 heures, le voyage retour 57 heures. Les deux points critiques se situent au moment de quitter l'orbite lunaire et au moment de l'entrée dans les couches denses de l'atmosphère, c'est-à-dire le 25 et le 27 décembre. Dans l'intervalle, si tout se passe bien, les trois hommes auront passé la nuit de Noël à moins de 100 km de la Lune. On sait que le Festival de Cannes a été interrompu au printemps. Cela n'empêche pas les cinéphiles de se livrer, bien au contraire, en fin d'année, à un vaste tour d'horizon de la production cinématographique française et internationale. Panoramique sur le cinéma 68. Une émission de Roger Régent, avec la collaboration de Jacqueline Adler. Nous voici donc à la fin d'une année qui, sur le plan cinématographique aussi, ne fut pas tout à fait pour la France une année comme les autres. Toutefois, nous ne nous attarderons pas ici aux accidents de parcours qui ont pu marquer la production de nos films. À un moment compromise, celle-ci présente en cet avant-dernier jour de l'année une situation à peu près stationnaire, sinon très brillante. On tourne une quinzaine de films dans nos studios, 76 terminés ou sur le point de l'être, attendent leur sortie prochaine et 25 projets sérieux, contrôlés et datés figurent dans le calendrier de production des prochains mois. Non, nous voulons plutôt nous intéresser à la courbe artistique du cinéma, le seul aspect de la question en définitive qui concerne la grande majorité du public, la grande majorité de ces spectateurs dont nos cinéastes méprisent parfois les goûts et les aspirations pour satisfaire plutôt leur seul caprice esthétique. Parmi tous les arts, le cinéma est sans doute en effet le mieux armé pour arracher l'homme à une condition médiocre. Et l'on souhaiterait qu'en ces dernières heures d'une année difficile, et en formant des vœux pour tout le cinéma en 1969, on souhaiterait que nos auteurs de films méditent sur cette réflexion du héros de Céline qui dit quelque part dans son voyage au bout de la nuit « On choisit parmi les rêves ceux qui vous réchauffent le mieux l'âme ». Afin de jeter un dernier regard sur cette année 68, nous avons réuni autour de notre micro quatre personnes, dont trois représentent un secteur particulier du public, la quatrième étant un professionnel du cinéma. Voici donc auprès de nous Madame Jacqueline Lenoir, elle aime le cinéma, elle y va beaucoup Elle est en quelque sorte le spectateur averti. Monsieur Fontanier, un jeune étudiant en médecine, passionné de cinéma, attentif au programme de la Cinémathèque et des salles d'avant-garde. Monsieur Michel Mort, critique cinématographique de l'hebdomadaire Carrefour, et en outre un grand spécialiste de la littérature anglo-saxonne. Enfin, monsieur Jean-Pierre Melville, l'un de nos metteurs en scène les plus notoires, réalisateur entre autres du « Silence de la mer », de Léon Morin prêtre, du « Doulos », du « Deuxième souffle ». Je voudrais vous demander le souvenir que vous gardez de l'année cinématographique 1968. Est-ce que cela a été pour vous une bonne année, une mauvaise année, une année sans histoire ? Jacqueline Lenoir. C'est une année moyenne. Elle a été perturbée, peut-être, évidemment, par les événements. Il y a peut-être des films que nous n'avons pas vus, je ne sais pas, ou peut-être aussi qu'il y a des films auxquels nous avons porté moins d'intérêt. Simplement peut-être parce que nous n'avions pas tellement besoin de nous distraire. Mais est-ce qu'une année vaut par sa qualité ou par sa quantité ? Alors, il y a eu des films de qualité, donc c'est une bonne année. Monsieur Fontanier. Je vais guère au cinéma pour me distraire. Je trouve que c'est une bonne année. Il y a 18 films qui m'ont beaucoup plu. Michel Mort. Oui, il y a 2-3 titres qui émergent. Pour l'ensemble, c'est l'année de la contestation de Cannes. Cannes, ça a tout de même une grande importance pour le cinéma. En dépit des films dont nous parlons tout à l'heure, c'est ce qui a marqué l'année du cinéma. Et vous, Jean-Pierre Melville. Contrairement à Michel Mort, je n'accorde aucune espèce d'importance au festival en général et à Cannes en particulier, ce qui fait que ça ne m'a pas troublé du tout. Enfin, ça m'a été un petit peu indifférent. J'ai pensé quand même, avec peine, aux jeunes réalisateurs, qui étaient quelquefois leurs propres producteurs, qui avaient fait les frais d'un sous-titrage et qui se sont retrouvés avec leur boîte sous le bras et qui ont tout simplement eu juste assez d'argent pour rentrer chez eux sans avoir montré leur film. Mais en ce qui concerne les films, je trouve que c'est une bonne année. J'ai vu 14 films qui m'ont beaucoup plu et je crois que c'est un chiffre déjà très important. Quel est celui que vous placez en tête ? C'est assez difficile, ils ne sont pas tous comparables, mais il ne fait pas de doute que Bonnie and Clyde, Seul dans la nuit, De sang-froid, L'incident, Escalier interdit, Bandit à Milan, Le lauréat, je pense que c'est le lauréat d'ailleurs que je vais mettre en tête, Le détective, L'étrangleur de Boston, Rosemary's Baby, Dans la chaleur de la nuit, 7 secondes en enfer, Baiser volé. Nous viendrons tout à l'heure au cinéma français, si vous voulez bien. Nous restons pour l'instant dans le domaine des films étrangers. Je suis d'accord pour ce qui est de Bonnie and Clyde. Pour moi, c'est le meilleur film étranger, peut-être le meilleur film que j'ai vu de toute l'année. C'est un film à la fois parodique et émouvant malgré tout. L'auteur joue sa partie sur 2 registres. L'interprétation est remarquable. La photographie l'est aussi. Et puis, c'est un film qui vous émeut et qui vous prend. Je ne suis pas d'accord du tout sur Le lauréat, que je trouve un mauvais film qui se termine dans un vaudeville pénible. Et alors que le départ est intéressant, on se dit, tiens, on va avoir là un film sur des aspects de la jeunesse d'aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et enfin, on a l'impression que les Américains découvre l'adultère. Ça se termine presque dans une pièce de la fin du siècle dernier sur le théâtre du boulevard. Heureusement qu'il y a cette actrice Anne Bancroft qui est merveilleuse, mais autrement, toute la dernière partie du film me déçoit beaucoup. Vous l'avez vu plusieurs fois ou une seule ? Ah non, je l'ai vu qu'une fois, mais alors là, je pense que je peux vous demander d'aller voir une autre fois. Je me permettrai de vous appeler au téléphone pour vous ce que vous en pensez. Mais croyez-vous, alors, Jean-Pierre Melville, qu'il faille voir un film 2 fois à tout prix. Moi, ah, oui. Pour se faire une opinion. Il faut toujours voir un film. On ne peut pas juger fois, un film absolument. En une seule vision. C'est absolument impossible. On fait connaissance. On la fait connaissance. Fois. Absolument. Mais, et on découvre des choses extraordinaires. Oui, mais le spectateur, il va une seule fois. Et je me permets de vous dire ça parce que, à la première vision du lauréat, j'ai eu un petit peu votre réaction en ce qui concernait la fin. Et je ne l'ai plus du tout. Je voudrais bien que M. Fontanier nous dise ce qu'il en pense. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est un film très gai. Je dirais pas comme Jean-Pierre Melville que c'est le meilleur film. Je dirais pas non plus que c'est le plus mauvais. Il n'y a pas énormément de choses à en dire. C'est un tableau de l'Amérique qu'on n'a pas tellement souvent l'habitude de voir. Non, je trouve que c'est sympathique, mais enfin, j'irai pas en faire l'éloge. Dans la deuxième partie, vous n'avez pas ri. En dehors de la fin. Ah non, non, c'est franchement sinistre. Ah oui, c'est triste. Bon, on peut rire en étant triste, hein, je crois. C'est pas... Le film choque certaines convictions, peut-être. Non. Non. Moi, je l'ai trouvé très agréable à voir. Non, j'ai trouvé parfait. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse justement sur l'adolescence, la jeunesse et les premiers amours, faire beaucoup mieux, je ne crois pas. Ah, c'est un très grand film. Non. Maintenant, je voudrais bien qu'on aborde aussi le point de vue du cinéma européen, car je crois qu'il y a depuis quelques années, et l'année 1968 entre autres, a été significative aussi à cet égard, c'est qu'il y a un cinéma comme le cinéma hongrois, comme le cinéma tchécoslovaque. La Pologne ne nous a pas donné grand-chose cette année. Mais enfin, sur le plan de la Hongrie, par exemple, nous avons eu Jour glacé, Rouges et blancs. Ah, c'est un très beau film. Qui est très beau, à mon avis. Ah, oui. Monsieur Fontanier, vous avez... Non, je n'ai pas grand-chose à dire sur le cinéma d'Europe centrale, non. Il y a un petit côté exotique, qu'un peu... Il y a des gens qui aimaient beaucoup le cinéma japonais, comme ça, par des... parce que c'était japonais, il y avait des tas de japonaiseries. Et là, c'est tchèque, c'est hongrois. C'est... Et vous n'êtes pas pour le folklore gens... Non, ça m'amuse pas, ça m'ennuie un peu. Tout de même, le cinéma est avant tout un art international. Alors vous faites du folklore en n'aimant pas qu'il le soit. Ah non, mais je n'ai pas été les voir parce que je ne vois que 100 films par an. Si j'en voyais 200, j'irais les voir, c'est tout. Mais c'est quand même un cinéma jeune, c'est un cinéma qui remue, c'est un cinéma qui apporte quelque chose en ce moment et qui se fait difficilement et qu'il faut accueillir, justement. Il y a Polanski. Il est merveilleux. Dans le bal des voleurs, il est très drôle. Dans le bal des vampires, il est très drôle. Il est merveilleux. Et ces deux films qui sont de cette année, Le bal des vampires et Rosemary's Baby, vraiment, sont de films extraordinaires. Oui, c'est un très, très grand bonhomme. Il a beaucoup de talent. Moi, j'ai préféré le bal des vampires. Moi aussi. Parce que je trouve que dans Rosemary's Baby, cette histoire de D-Book, n'est-ce pas, il n'y croit pas beaucoup. À la fin, on y croit guère. Et puis, c'est du Polanski grande diffusion. Oui, aussi. Je le préfère avec ses défauts. Je le préfère avec son côté Chagall. Son côté Ensor. Ce que vous semblez considérer comme l'univers de Polanski n'est pas à lui, mais appartient beaucoup plus à son ancien scénariste. Je dis son ancien parce qu'il ne travaille plus avec lui. C'est-à-dire à Gérard Brack, qui a été dans Cul-de-sac, dans Répulsion, dans Le bal des vampires, beaucoup plus que Polanski, l'auteur. Alors, c'est très important. C'est très important de le dire. Tandis que c'est dommage pour Polanski, pas du tout. L'univers de Polanski, vous le découvrez enfin, justement, dans ce film de grande consommation, comme vous avez dit tout à l'heure, qui est Rosemary's Baby, mais qui est pour moi une chose absolument parfaite. C'est un film parfait. Oui, il n'y a plus la fantaisie débridée. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de personnalité Polanski dedans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais dire un mot de Rouge et Blanc, de ce film hongrois dont vous parliez tout à l'heure. C'est un film sur la guerre entre les Rouges et les Blancs russes qui se passe aux frontières de la Hongrie. C'est un film un peu lent, en noir et blanc, très clair comme photographie. Il y a là une succession de scènes qui ont vraiment eu lieu. Et il y a une scène, entre autres, qui est extraordinaire, où on voit un officier blanc, je crois, qui réunit des infirmières d'un hôpital dans la clairière d'un petit bois, et il force ces infirmières à danser une valse sur l'air d'un violon que joue un soldat. Tout cela au milieu de la guerre et des coups de fusil qui sont dans tout le lointain. C'est une scène étonnante, une des scènes de cinéma les plus extraordinaires que j'ai vues, avec cette charge des cavaliers polonais contre les tanks allemands dans ce film de montage fait par un Polonais sur la Pologne. Maintenant, je voudrais bien qu'on en arrive au cinéma français. Alors, Monsieur Fontanier, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les films français de cette année ? Bon, il y a des tas de choses. Il y a le Truffaut, Baiser volé, il y a les Gauloises bleues, il y a les Biches, il y a Je t'aime, je t'aime. Ça me paraît assez riche comme année. Lequel avez-vous préféré ? Pour moi, c'est Baiser volé. Il y a guère de problème. C'est parfait. Êtes-vous de cet avis, Michel Blanc ? Moi, j'ai trouvé que c'était un film charmant. C'est très français. Il y a tous les poncifs du cinéma français, avec un côté Sous les toits de Paris, un côté des films de Sacha Guitry. C'est très bien enlevé, c'est très charmant, mais je dois dire que j'attendais autre chose du Truffaut du début. J'aime beaucoup Baiser volé. Je ne suis pas tout à fait de l'avis de M. Fontanier quand il dit que c'est parfait. Je crois que c'est presque parfait. Il eût fallu, par exemple, que Truffaut renonce à Jean-Pierre Léo. Oh, pourquoi ? Je ne trouve pas que ce soit un acteur. J'aime beaucoup Léo dans ce film. Ah bon, je ne l'aime pas. Je sens qu'il ne joue pas. Je sens qu'il n'est pas à l'aise. Je sens qu'on fait de lui un acteur malgré lui. Je crois que c'est un acteur qu'il ne faut pas diriger, en tout cas. Je le trouve meilleur dans les bonnes séquences des mauvais films de Godard. Il n'y a pas de bonnes séquences dans les films de Godard. Si, il y a de bonnes séquences. Le début de masculin, le début de masculin-féminin, Léo, avec la petite Chantal Goya, c'est perdicant. C'est du Musset. C'est aussi le Musset d'aujourd'hui. Alors, dans le film de Truffaut, au contraire, où il est dirigé, là, en effet, il y a des moments où son jeu grince un tout petit peu. Ah oui, tout à fait. Et en face d'autres comédiens qui, eux, sont oui, des vrais professionnels, qui sont excellents. Lonsdal est merveilleux. Lonsdal est très bon, toujours. Merveilleux. Falcon est très bon. Le vieil Harry Max est merveilleux. Et tout est bien sur le plan des comédiens. Tout d'un coup, il y a ce déséquilibre et ça achoppe. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas tout à fait... parfait. Ça ne m'a pas choqué du tout. Ça ne vous a pas choqué. Du tout. Alors vraiment, c'est la première fois que je vois un militaire qui ressemble un peu à un militaire. Alors disons que tant qu'il est en uniforme, c'est vrai, il a l'air d'un bidas et nous avons été tous comme ça quand nous étions en kaki ou en bleu horizon. Mais même quand il n'est pas en bidas, moi, enfin, vraiment, j'ai des amis qui ressemblent à Léo. Et une fois qu'ils ne sont plus en uniforme. Oui, ça ne m'a pas choqué du tout. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, il ressemble à beaucoup de jeunes français. Oui. Alors, nous pourrions peut-être aussi parler des comédies, car le cinéma français, en comédie de bonne qualité, j'entends, est tout de même assez pauvre parfois. Voulez-vous que nous parlions d'un film comme Benjamin, par exemple, qui a eu le prix des Lucs, d'ailleurs, ou Alexandre le Bienheureux? Moi, j'ai pas du tout aimé Benjamin, je suis même pas resté jusqu'à la fin. C'est bien simple, ça m'a... Ça, alors, ce ton, talon rouge, 18e comtesse, est-ce que vous... Ah, alors, moi, ça me rend fou. Et puis, en plus, c'est laid. C'est très laid, les couleurs sont laides. Il n'y a aucun goût, ni dans les costumes, ni dans les décors, ni dans le choix même des extérieurs. C'est franchement laid. Monsieur Fontanier ? Non, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, même pas du tout. Moi, c'est vert. Non, mais moi je trouve ça très gai, charmant. Il y a pas, on ne va pas écrire un livre là-dessus, mais enfin, je trouve ça charmant, sans plus. J'ai une réaction épidermique. Je veux bien dire du bien des films que j'aime, mais je ne veux absolument pas dire du mal des films que je n'aime pas, parce que ce sont des films français, que je suis un cinéaste et que je ne suis pas un critique. Donc quand je garderai le silence, nous vous ce que comprendrez. Ça veut dire. Et le Clouseau, La Prisonnière. À partir du moment où on veut faire un documentaire sur la perversité ou sur les perversions, parce qu'il y en a plusieurs dans le film, je crois qu'il faut être un vrai pervers. Et je crois sincèrement, malgré que je vais lui faire de la peine en le disant, je crois que Clouseau n'est pas un vrai pervers. Je crois que c'est un pervers primaire. Mon ami Roger Vaillant était un vrai pervers et Clouseau n'en est pas un. Il a fait un film sur une petite perversité de mais vraiment de toute petite littérature. Oui. Si c'est ça la perversion, c'est pas méchant. Mais voilà, vraiment pas. Je voudrais vous demander si, à votre avis, il s'est révélé un jeune talent de metteur en scène cette année parmi les réalisateurs français. Bah oui, Courneau, pour moi. Courneau. C'est indiscutable. Vous, monsieur Fontanet. Oui, je pense Courneau. Jean-Pierre Melville. Non, pas de révélation française. Mais je trouve qu'il est dommage qu'on n'ait pas parlé du troisième sketch des histoires extraordinaires de Fellini. Parce que c'est une œuvre d'art. Ah oui, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment ça, c'est extraordinaire. Sans critique possible. Oui, ça, vous voyez comme nous finissons par être du même avis tout de même. Panoramique sur le cinéma 68. Panoramique sur le cinéma 1968 par Roger Réjean, réalisation Jacqueline Adler, première diffusion sur France Culture le 30 décembre 1968. Ça y est, 1968, c'est fini. C'était les années 60, document INA Annie Lozana, une émission de Philippe Garbi, réalisation Virginie Mourtet. Vous pourrez télécharger cette émission ainsi que tous les précédents rendez-vous de la série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant, je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, tout. Un singe comme moi, pourrais-je le croire, être parfois